Un début, une fin. Exactement. Tu vois l'idée? Ouais. On fait ça? Eh ben écoute, on fait un début et une fin, ouais, bonne idée.